Leçon 3. Page 78. Activité 2 et 3. Piste 67. Oh là là, quelle heure est-il, Emma? 9 heures. C'est l'heure du cours d'art plastique. Alors, dépêchons-nous. On y va. Vite, vite.